Voici, en 35 minutes environ, de très larges extraits de la comédie de Molière intitulée « L'école des femmes », jouée pour la première fois en décembre 1662. Cette comédie consacra la gloire de Molière, mais lui valut de nombreuses critiques, notamment parce qu'à 40 ans, il venait d'épouser Armande Béjart, 22 ans, fille ou sœur de Madeleine Béjart, sa maîtresse. D'autant qu'il jouait Arnolphe, le personnage principal de l'école des femmes, et Armande jouait Agnès, la pupille qu'il veut épouser.